Alors, nous allons passer maintenant à Simon Van Vliet et à la chronique sur les médias indépendants. Alors, bonjour Simon. Bonjour Christian. Alors, cette semaine, je me retrouve tout seul pour la chronique. Alors, je sais pas trop par où commencer. Là, j'ai plein d'idées en tête, mais peut-être je vais faire comme j'ai fait la dernière fois, c'est-à-dire reprendre là où je m'étais arrêté. Hein, le mois dernier, on s'était arrêté sur la question de la gratuité de l'information, puis c'est un vaste sujet dont il est question dans plusieurs ouvrages, dans plusieurs réflexions sur le journalisme, sur les médias. Puis je vous avais lu un extrait de Combat pour une presse libre, là, qui est le manifeste de Mediapart qui a été publié par Edoui Plenel. J'avais lu un extrait de ça, puis je m'étais arrêté juste avant le bout vraiment intéressant qui pose bien la question, fait que je vais poursuivre à partir de là. Voici ce qu'Edoui Plenel nous disait au sujet de la gratuité. C'est assez intéressant, écoutez ça. « Résister à la gratuité marchande renforce la gratuité démocratique. » La stratégie de l'abonnement allie défense de la valeur de l'information et construction d'un public de citoyens. Faire ce geste, c'est d'abord acheter la promesse d'une information exigeante, sans dépendance publicitaire ni courbe d'audience. C'est ensuite acquérir le droit de participer à un média totalement inédit, d'appartenir à sa communauté de lecteurs et de contributeurs, de faire vivre soi-même l'information, la réflexion et le débat. Quand on lit ça, puis tout à l'heure, j'ai vu passer l'infolette de la Média Coop, je trouve que ça résonne beaucoup avec certaines formes de nouvelles propriétés de médias qu'on s'est donné ici au Québec, avec au Canada, en fait, avec le réseau de la Média Coop, avec la Coop Média de Montréal. Cette idée-là, donc, que l'information appartient au public, finalement. Puis que, évidemment, pour produire cette information-là, ben ça prend des ressources pour les journalistes qui travaillent pour débusquer les sujets, pour creuser les questions. Ces journalistes-là peuvent le faire bénévolement dans certains cas. Dans d'autres cas, s'ils sont payés, ils vont pouvoir aller plus loin, aller plus en profondeur ou faire un travail plus fouillé, peut-être de meilleure qualité, quoique le fait d'être rémunéré pour la qualité, c'est des choses qu'on pourrait discuter, parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont payés pour faire des jobs qui sont de très basse qualité, alors qu'il y a des journalistes qui font des choses bénévolement de façon... C'est une anecdote là-dessus. Un journaliste très connu que je n'aimerais pas m'avait dit qu'il avait l'impression de faire des hamburgers comme s'il travaillait chez McDonald's, mais dans le fond, au lieu de produire des hamburgers, il produit de l'information. C'est ça, il produit des nouvelles. Son loyer était très bien payé, on ne s'inquiète pas pour lui. Voilà, donc, puis de l'autre côté, on a des gens ici à CKUT qui font de la radio gratuitement. J'en fais à CISM aussi, à la Média Coop. Il y a certains journalistes qui sont payés. La plupart des gens qui produisent du contenu pour la Média Coop le produisent gratuitement. Puis donc, ça pose toute la question, finalement. Bon, ben c'est sûr, ça coûte des sous, hein, avoir un serveur, avoir une interface de site web, de gérer, de coordonner tous ces projets-là. Mais après, c'est la question, c'est qui doit payer et comment. Puis la question qui doit payer, ben elle est posée dans l'édition du journal Ensemble qui est sorti la semaine passée, un article de mon collègue Nicolas Falcimègue là, qui pose la question qui doit payer. Puis dans le fond, il en vient à la réflexion. Bon, on a trois options finalement si on veut. Hein. Il y a soit c'est la publicité qui paye, soit c'est des subventions ou des taxes, des revenus provenant de fonds publics qui payent, soit c'est le lectorat qui paye. Puis la plupart des médias allient plus ou moins ces différents modèles-là de revenus. Quoique, puis ça c'est le problème fondamental qu'on a actuellement avec les médias au Québec, puis la presse en général, c'est que la publicité, c'est devenu le principal moteur économique de la presse. Puis la publicité, ben c'est pas de l'argent désintéressé. Les annonceurs qui achètent de la publicité, ils l'achètent pour une raison très précise qui est de vendre leurs produits à des consommateurs. Puis donc, ça travestit, si on veut, ou ça trahit complètement l'esprit fondamental de la presse, qui est d'être un moyen pour le public d'avoir accès à une information. Finalement, la presse devient un moyen pour des entreprises de placer leurs produits dans l'imaginaire collectif. Puis, un autre article de Nicolas dans le journal dans le journal Ensemble. Je vais le retrouver. Là. Je l'ai un petit peu mêlé, vous l'entendez. Ça s'intitule « Au Far West, la publicité ». Puis il nous dit ceci, c'est quand même... Faut y penser, tu sais. Le lecteur n'est plus le client du journal, il en est la marchandise fournie à un annonceur. Les intérêts des annonceurs, conjugués à la proximité économique et sociale qui est la règle dans les régions du Québec, créent des situations où les journalistes subissent des pressions, de l'intimidation, des menaces et même parfois de la violence. Puis, donc là, on est vraiment dans un univers, finalement, où est-ce que... Par défaut de ressources autres que les ressources publicitaires, ben les journalistes sont complètement à la merci des entreprises de presse qui les emploient, et ces entreprises de presse-là sont complètement à la merci des annonceurs qui leur font vivre, qui les font vivre. Puis dans certains cas, là, c'est assez fou de penser que dans certains hebdos régionaux, le ratio de contenu informatif versus contenu publicitaire, puis là je parle même pas des faux reportages là, mais juste le contenu article publicité, le ratio est de moins de 50% pour l'information. Donc le journal devient vraiment une espèce de circulaire publicitaire où entre deux pubs, ben on place des articles là, sur qu'est-ce qui se passe au conseil municipal, c'est quoi la nouvelle succursale de telle entreprise qui a ouvert, puis c'est un problème très très sérieux, puis on le voit vraiment bien dans les hebdos régionaux, mais en fait on le vit aussi dans les autres médias grand public. Puis la semaine passée, ou peut-être il y a deux semaines, je suis tombé sur la nouvelle édition des nouveaux cahiers du socialisme qui va être lancé d'ailleurs, je crois que c'est en fin de semaine le lancement. Puis ça porte sur médias, journalisme et société. Puis vraiment, j'ai trouvé ça fascinant, cette lecture-là. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de réflexions qui ressortent de ça, notamment une étude de cas sur Québécois, où on présente vraiment Québécois comme étant l'avant-garde, ou plutôt la pointe avancée d'une certaine forme de médias qui est en fait en train de tuer complètement le journalisme au profit d'une espèce d'entreprise de propagande idéologique et de propagande commerciale, en fait. Puis c'est vraiment c'est super intéressant à lire parce que ça met vraiment les choses en perspective. Puis il parle notamment là de, tu sais, comme on parle de la révolution technologique, le web, la crise des médias, tout ça c'est un peu lié, hein, la crise des médias est née du fait que le web est venu un peu débalancer tout le monde, puis là la chute des revenus publicitaires avec la crise financière de 2008, puis là on est dans une situation où est-ce que finalement tout le monde cherche à réinventer le modèle pour être capable de survivre. Mais en fait, les grandes entreprises de presse comme Québécois, comme Jessica, qui est propriété de Power Corp, c'est des entreprises de presse qui sont seulement une tentacule d'un empire financier qui, lui, va très bien. Puis c'est quand même, c'est ça finalement, l'entreprise de presse, en rationalisant, en coupant dans les coûts, en coupant des postes, finit par mettre toute la pression économique que les médias vivent par le fait de la transformation du marché de la publicité, par le fait de l'hyper-concurrence qui règne dans les médias. Toute cette pression-là se retrouve sur les gens qui, en principe, devraient être à la base de la production d'informations indépendantes de qualité. Donc, les journalistes, eux, se retrouvent à payer le prix d'une guerre commerciale qui se livre entre des empires de presse qui sont les tentacules d'empires financiers qui, eux, peuvent très bien injecter de l'argent. Puis on l'a vu, Jessica a injecté des millions de dollars dans le développement de la Presse Plus. Pendant ce temps-là, bon, puis effectivement, chez Jessica, ben il y a eu beaucoup d'embauches pendant toute cette période-là de transition. Puis les gens qui travaillent chez Jessica, il y en a beaucoup qui trouvent ça intéressant parce que Jessica met à disposition des ressources que beaucoup d'autres médias donnent pas à leurs journalistes, mais ça leur donne pas nécessairement plus de liberté intellectuelle et de liberté d'expression, de liberté d'opinion aux journalistes. Donc, même quand la pression économique n'est pas mise directement sur eux, ils se retrouvent quand même à être pris à l'intérieur des rouages d'un système qui est foncièrement capitaliste. Hein. Toutes les entreprises de presse sont des entreprises à but lucratif qui, pour la plupart, sont simplement des morceaux d'un empire financier. Donc, si le journal est capable de générer des profits, tant mieux. Si génère des pertes, comme c'est le cas de beaucoup de journaux, ben peut-être que c'est un moindre mal dans le sens où ben ça permet de faire de la publicité pour nos amis, ça permet de placer nos idées, nos éditorialistes bien à l'avant-plan du débat public, puis de faire passer tout plein d'idées comme vendre le pétrole, vendre le développement, toutes sortes de développements qui sont potentiellement nuisibles. Puis on voit, ah tiens, qui c'est qu'on voit qui est le plus critique là-dessus ces temps-ci? Ben c'est le Devoir. C'est pas étonnant dans le sens où le Devoir reste le seul quotidien indépendant, quoi qu'il soit lié financièrement et techniquement aux autres entreprises de presse, puis qui joue un peu dans la même cour là, finalement. Donc il peut pas nécessairement se permettre la latitude que les médias indépendants, vraiment indépendants, donc comme CKUT, comme la Média Coop, comme le Journal Ensemble dans une certaine mesure, peuvent se permettre, ben c'est sûr que les grands joueurs peuvent pas nécessairement se permettre ces libertés-là critiques vraiment radicales. Puis là, j'essaie de voir là, où est-ce que je voulais en venir avec tout ça. J'ai un peu perdu mon fil. Peut-être, je dirais que les journalistes sont pris dans les rouages, mais aussi que les journalistes sont faits, dans certains cas, pour ces rouages. Ils sont formés pour ça, c'est très clair. Puis d'ailleurs, nécessairement pris dans le sens où ils sont censurés au quotidien. Il y a des gens qui sont juste formatés dans leur pensée, préformés pour faire ce genre de job-là dans la société dans laquelle on vit. Voilà, donc c'est un fait que les journalistes sont pas seulement pris dans les rouages, mais sont aussi les rouages de ce système-là. Puis clairement, la formation des journalistes contribue à ça dans le sens où on formate les gens dans une certaine perspective. Puis moi, bon, je viens de finir d'un diplôme en journalisme, là, je l'ai quand même vu, même si moi je suis arrivé là avec mon bagage de journaliste communautaire, puis avec mon sens critique, si on veut, de ce qu'on me proposait comme vision du journalisme. Mais tu sais, toute l'idée de montrer les deux côtés de la médaille, donc, c'est comme présumer qu'il y a juste deux côtés de médaille déjà en partant, c'est un peu limitatif. Oui, puis que souvent, un des côtés de la médaille pèse fort. Mais c'est ça. Ça l'autre chose que j'allais dire, c'est de hiérarchiser les informations selon la crédibilité des sources. Puis la crédibilité des sources, ça veut dire quoi? Ça veut dire les sources qui ont plus d'autorité, on les met plus en avant dans l'article. Puis dans beaucoup de cas, ce que ça va vouloir dire, mettre la parole des autorités publiques. Puis là, je prends un dossier que je suis beaucoup, puis dans lequel je vois ça se manifester, c'est toutes les questions de bavure policière, de manifestation, puis de justice, de droit et liberté. Finalement, quand un policier tue quelqu'un, ben le lendemain dans le journal, le premier article qu'on va lire, c'est pas mal mot pour mot le communiqué de la police. Peut-être qu'on va entendre parler la famille de la victime, mais souvent ça prend longtemps. Puis des fois, on les entend juste jamais. Puis finalement, c'est comme si on veut vraiment montrer les deux côtés de la médaille. Puis dans le cas d'Alain Magloire récemment, ça, le fait qu'il venait d'une famille qui avait du poids a joué beaucoup dans la couverture. Quand on pense à Jean-François Nadreau il y a 2 ans, ben quand Jean-François Nadreau est mort, pendant plusieurs jours, on a complètement démoli sa réputation dans les médias en faisant de lui un forcené, un malade qui a attaqué la police, quelqu'un qui était décroché, qui était complètement perdu, puis qui était dangereux pour lui-même, qui était dangereux pour la société. C'est un peu ça l'image qu'on renvoie des gens. Puis ça, c'est très caractéristique de la façon de faire le journalisme aujourd'hui, c'est que on n'a pas le temps, donc on va prendre la première source qui répond. Puis la première source qui répond dans ces cas-là, ben c'est sûr que ça va être une source qui est facile à rejoindre, comme le relationniste de la police. Puis là, Le relationniste de la police va nous dire, ah ben écoutez, il était armé, il nous a attaqué, le policier a eu peur pour sa vie. Puis là, ben on n'a même pas le temps de contre-vérifier l'information. On reproduit ça mot pour mot, et puis bang, ça se retrouve en ligne. Puis après, on va critiquer les soi-disant journalistes citoyens pour faire ce même genre de choses-là, mais de l'autre côté, c'est-à-dire si quelqu'un qui est pas journaliste officiellement obtient de l'information de la part d'une source privilégiée quelconque, puis met cette information-là dans l'espace public, ben on va vite lui reprocher, ah, mais là t'as pas vérifié ton information, ah t'as juste un côté de la médaille, mais finalement c'est juste parce que c'est le côté de la médaille en question, c'est pas celui qui est officiellement crédible. Mais la crédibilité officielle est souvent très superficielle aussi. On l'a vu quand le ministre de l'Immigration est allé à Tout le monde en parle, raconter n'importe quoi sur l'occupation des territoires palestiniens par Israël, puis en disant des choses qui contredisaient la position officielle du Canada en ondes, sur les ondes publiques de Radio-Canada, puis personne sur le plateau a cru bon de lui répondre sur le moment, ben écoutez, ce que vous dites, ça contredit vos propres politiques, ça contredit ce qui est écrit sur le site des Affaires étrangères en ce qui concerne l'occupation illégale des territoires palestiniens. Ben bon, puis là, on dira, tout le monde en parle, c'est pas une émission journalistique, Guillaume Lepage, c'est pas un journaliste, mais reste que c'est ça aussi la réalité. Les médias produisent ces informations-là, donnent une visibilité absolument démesurée à certains côtés de la médaille. Puis après ça, quand on fait du journalisme engagé, ben on se fait reprocher de donner juste un côté de la médaille, alors que ce qu'on fait finalement, c'est qu'on donne le côté de la médaille auquel le public n'a pas accès quand il regarde les médias grand public, quand il regarde les médias privés ou les médias de masse, finalement, nous, c'est ça notre travail comme journaliste indépendant, comme journaliste alternatif, c'est d'aller chercher ce côté-là de la médaille ou les côtés de la médaille qui sont pas accessibles pour le public. Mais bien souvent, on va se faire reprocher le fait que, ah, mais là, pourquoi est-ce que t'as pas interviewé la police dans ton article sur les bavures policières? Puis moi, ma réponse, ben, c'est si tu veux connaître le point de vue de la police, regarde tous les autres journaux, toutes les stations de radio grand public, tu vas l'avoir, puis tu vas l'avoir sans le moindre recul critique. Moi, je ressens pas le besoin nécessairement d'aller exprimer ce point de vue-là dans mon article sur la police parce que je donne la parole aux familles des victimes. C'est ça le travail que moi, je me suis donné. Puis bon, là, je prends l'exemple d'un article que j'ai écrit pour le Dominion il y a 2 ans maintenant. Mais c'est ça l'idée, c'est de dire, ben, pourquoi est-ce que j'irais me donner la parole à des gens qui ont la parole sur toutes les tribunes, puis seulement pour pouvoir prétendre avoir donné les deux côtés de la médaille? C'est ça qui est un peu absurde. Puis souvent, c'est ça qu'on va voir dans les articles des grands journaux, des journaux soi-disant objectifs. C'est qu'ils vont aller chercher une citation ou une information qui provient peut-être d'une source indépendante, d'une source alternative. Puis ils vont juste la mettre là, dans le dernier paragraphe, pour dire, OK, c'est bon, j'ai fait mon travail de journalisme d'équilibre, il y a les deux côtés de la médaille, mais finalement, les deux côtés de la médaille, il y a un côté qui est pas mal plus épais que l'autre dans l'article. Puis c'est ça qu'on voit souvent dans la couverture des événements du quotidien, puis en particulier des événements qui ont des incidences plus profondes sur la vie publique, puis qui sont peut-être qui passent sous le radar, tu sais. Puis là, on parle de bavures policières, là. C'en est un qui passe souvent sous le C'est clair. radar. Puis pourquoi ça passe sous le radar? Puis je vais terminer avec ça, là. Pourquoi est-ce que les journalistes font si peu la critique explicite là, des bavures et des manquements de la police, ben c'est peut-être parce que les journalistes sont dépendants de la police pour avoir de l'information sur tous les dossiers de crime, sur tous les dossiers de justice, tous les faits divers, dans le fond, qui sont obligés de couvrir parce que c'est ça que leur patron leur demande, ben ils sont obligés de cultiver des bonnes relations avec le service de police pour garder ces informations-là, pour garder ces sources-là actives. Puis donc, ben, hein, on mord pas la main qui nous nourrit, puis on crache pas dans la main qui nous donne l'information dont on a besoin. Puis donc, c'est ça qui... C'est peut-être une explication qui fait que ils iront pas non plus critiquer trop ouvertement un des partenaires publicitaires principaux de leur journal. C'est clair. Ben, je te remercie beaucoup, Simon, puis on va continuer tout ça... Le prochain mois aussi. Ça fait plaisir. Le mois prochain, avec Olivier de retour, là, on pourra continuer à réfléchir à plusieurs. C'est aussi plus intéressant. Ça fait évoluer un peu la discussion.